Bonjour et bienvenue à la méditation magique de la fin de journée. Commence par t'asseoir de façon symétrique et tiens-toi droit sans que ce soit inconfortable. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de tes narines. Observe ta respiration comme si elle était un phénomène étranger à toi. Elle se passe sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de tes narines. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Comme si ce filet d'air était une substance magique qui t'apportait de la joie et de la sérénité à chaque inspiration. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Ta respiration de plus en plus lente. Si pendant la méditation tu es perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Essaye d'examiner ton humeur du moment comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Eckhart Tolle a dit que aimer, c'est se reconnaître en l'autre. On va maintenant se concentrer sur 12 affirmations pour cultiver l'amour de soi-même et d'autrui. Imprègne-toi des mots dans les affirmations, mais reste concentré sur ta respiration. Première affirmation. Je me compare à ceux qui ont moins plutôt que ceux qui ont plus. Deuxième affirmation. Je donne aux autres en me donnant à moi-même. troisième affirmation. J'éprouve de la gratitude pour tout ce qui est bon dans ma vie. Quatrième affirmation. Je m'aime exactement comme je suis, sans besoin de me conformer aux attentes des autres. Cinquième affirmation. Je suis génial et chaque jour je m'aime un peu plus. Sixième affirmation. Je ne crois pas toutes les histoires dans ma tête. Je crois seulement celles qui sont utiles à mon bonheur. Septième affirmation. J'ai pleinement confiance en moi et mes capacités. Huitième affirmation. Le bonheur est toujours ici et maintenant. Neuvième affirmation. J'aime mon corps et je m'applique à lui faire du bien. Dixième affirmation. La seule chose qui existe vraiment est l'instant présent. Le passé et le futur n'existent que dans ma tête. Onzième affirmation. Je suis toujours exactement là où je suis censé être. Deuxième et dernière affirmation. Je cultive la concentration et je pratique la patience. Encore une fois, si pendant la méditation, tu es perturbé par des pensées, des bruits ou des sensations physiques, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Pense maintenant aux 24 heures à venir, aux choses que tu vas faire et aux personnes que tu vas rencontrer. Choisis une de ces choses ou rencontres qu'il te tient à cœur de réussir. Et visualise cet événement se passant le mieux possible. À chaque inspiration, appelle en toi toute la satisfaction et la sérénité que tu ressentiras quand cet événement se sera passé pour le mieux. Pense maintenant à une personne avec qui tu as peut-être des difficultés ou avec qui tu as peut-être eu un conflit dans le passé. Choisis une personne. Et ici et maintenant, essaye d'envoyer tout l'amour que tu peux à cette personne. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Pense maintenant à une personne que tu aimes, une personne qui t'est chère. Choisis une personne et ici et maintenant, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux. Que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Une dernière fois avant de terminer la méditation, essaye de ressentir ton humeur du moment comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tel que le poids de tes vêtements sur ton corps, les bruits ambiants ou encore toutes les couleurs autour de toi. J'espère que cette méditation t'a été apaisante et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt.